الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، on continue avec notre livre العلم فضله وشرفه. Et on est arrivé au 40e point. 40e point. الواجب الأربعون طلب العلم طريق الجنة. Donc l'apprentissage de la religion est la voie vers le paradis. ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل فكما سلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقا يحصل به ذلك أو يحصل له ذلك. Donc l'apprentissage ou la recherche de la science est le chemin vers le paradis. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte dans un hadith qui est rapporté par le muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui emprunte un chemin dans la recherche de la science, Allah lui facilitera le chemin vers le paradis. Et on voit que dans la religion, dans la législation, donc il y a une règle qui dit: la récompense est donc selon la nature de l'acte. La récompense sera selon la nature de l'acte. Comme celui qui emprunte un chemin afin de rechercher donc la vie de son cœur, aussi le fait de sauver son cœur du péril, Allah lui facilitera et lui montrera, l'empruntera, lui fera emprunter une voie où justement il aura cela, il aura cette récompense. On sait bien que innamal a'mal binniyat. On sait bien que certains actes ne valent que par leur attention. Celui qui veut quelque chose, Allah il va lui faciliter cette chose, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Et donc il y aura la récompense de ce qu'il va faire. Et ça c'est le 40e point. الواج الحادي والأربعون أهل العلم دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. 41e point. Les gens de science, le prophète صلى الله عليه وسلم a fait l'invocation pour eux. Il a invoqué pour eux. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بندرتي وهي البهجة والنضارة الوجه وتحسينه. Donc certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour celui qui écoute sa parole et qui la comprend, qu'il a assimilé cette parole, la propage. Par quoi il a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi cette personne aura justement un bon visage. Un nadara, c'est justement le visage qu'on voit, on voit le bonheur. Donc on voit que c'est un visage, si on peut dire c'est comme ça, de lumière. Donc c'est le berja. Donc c'est justement cette lumière. Et donc on verra justement donc ce bonheur, c'est-à-dire ce sourire, c'est-à-dire ce beau visage. Donc ce sera, en gros, donc c'est un beau visage. Fafi Tirmidhi wa ghayrihi min hadith ibn Mas'ud anin nabi sallallahu alayhi wa sallam qal nadarallahu amran imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballagaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu thalathun لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc la personne, c'est-à-dire aura un bon visage, donc chaque personne aura un bon visage, donc chaque personne qui écoute ma parole et qui l'assimile et qui l'apprend et qui la propage, donc aura justement un beau visage. Voilà la doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est possible que celui qui écoute, donc celui qui porte donc le fiqh, c'est-à-dire la compréhension, va sûrement propager donc cette compréhension vers celui qui a encore plus de compréhension que lui. Et trois personnes, justement, n'aura pas donc la jalousie, trois types de personnes n'auront pas la hantise dans leur cœur. C'est-à-dire trois types de choses, il y a trois types de choses qui font que si le musulman porte cela dans son cœur, n'aura pas justement donc cette jalousie ou cette hantise. C'est donc justement la sincérité dans l'acte pour Allah Azza wa Jal, avoir justement donc voué un culte exclusif pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. conseiller les gouverneurs des musulmans et aussi rester avec leur groupe, l'Uzum al-Jama'a, donc rester assidu avec ce groupe. Car, donc justement, leurs doigts, elles seront justement acceptées, on verra ça par la suite. Donc ici on voit, donc dans cette parole, وَرَوَا هَذَا الْأَصْلُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ ابْنِ مَسْحُودِ ومعاذ ابن جبل وأبو درداء والجبير ابن مطعم وأنس بن مالك وزيد ابن ثابت والنعمان ابن بشير. Donc ce hadith qui a été rapporté par tous ces compagnons que je viens de citer. وقال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن. Donc ce hadith حسن. وحديث زيد ابن ثابت حديث حسن. Donc on retrouve donc le hadith ibn Mas'ud et de Zayd sont des hadiths qui sont hasan. Et dans le hadith ibn Jubal, donc il est rapporté par les conditions d'Al-Bukhari et Muslim. Donc on retrouve dans cela Maratib al-Ilm. On va retrouver Maratib al-Ilm, donc les étapes de la science. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ إِلَّا هَذَا وَحْدَهُ لَكَفَ بِهِ شَرَفًا فَإِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِمَنْ سَمَعَ كَلَامَهُ وَوَعَاهُ وَحَفِظَهُ وَبَلَّغَهُ. S'il n'y avait donc dans les vertus et les bienfaits de la science que ce hadith seul, c'était suffisant. Comme justement place honorable, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour celui qui écoute sa parole, qu'il assimile, qu'il apprenne par cœur, et aussi donc qu'il la mémorise et qu'il la propage. Donc on va retrouver ici donc justement voici les maratib al-ilm. Donc regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé par les étapes. Donc on retrouve les étapes de la science. Awwaluha wa thaniha, donc la première et la deuxième sont sama'uhu wa aqluhu fa idha sami'ahu wa wa'ahu bi qalbihi ay aqarahu wa istaqarra fi qalbihi kama yastaqirru shay'u alladhi yu'i aw yu'a fi wa'ihi wa la yakhruju minhu wa kadhalika aqluhu huwa bi manzilati aql al-ba'ir والدابه ونحوها حتى لا تشرد وتذهب ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد ادراك المعلوم. Donc là, le fait de écouter et de quoi, et aussi d'assimiler, donc et de raisonner, c'est-à-dire cette parole et de la comprendre comme il le faut. Donc, parce que s'il écoute, bien sûr qu'il assimile, donc cette assimilation et ce raisonnement provient du cœur. Donc Il va l'assimiler avec son cœur, afin qu'elle soit raffermie, afin qu'elle soit ancrée justement dans son cœur, comme quelque chose, hein, lorsqu'il est ancré. Imaginez-vous un pieu qui rentre dans la terre, on n'arrive pas à le ressortir comme ça. Un pieu qu'une fois qu'il est bien ancré dans cette terre, il ressort pas, il est solide. Donc voilà la chose comment qu'elle doit être. Il va pas ressortir de cette terre comme cela. Et donc c'est aussi, donc lorsqu'on dit aqlou, c'est la même, c'est de au même niveau le fait d'attacher, hein. Aqlacher, c'est-à-dire le fait d'attacher, mathalan, on attache un animal, on va l'attacher à quelque chose. Donc on va mettre une corde à son cou, on va bien l'attacher, on va bien nouer, on va l'attacher mathalan à un pieu ou à quelque chose, à une barrière ou à quelque chose, afin qu'il ne puisse pas partir, afin qu'elle ne parte pas. Donc c'est ça l'aql, regardez l'aql, et aqlacher le fait de nouer quelque chose. Et c'est pour ça que celui donc que le wa'i ou l'aql, yani, c'est quoi? Donc le fait de assimiler, le fait de raisonner la chose, c'est quelque chose qui est rajouté au fait de entendre quelque chose. Idrak al-ma'loum, c'est-à-dire le fait de savoir quelque chose et qu'il existe. Il y a une différence entre le fait juste d'écouter et le fait de bien, c'est-à-dire d'apprendre, de comprendre la chose et bien sûr de faire en sorte qu'elle soit ancrée dans le cœur. Al-martaba al-thalitha, troisième étape. Ta'ahuduhu wa hifdhuhu hatta la yansahu fa yadhhab. Donc bien sûr, donc le fait de la mémoriser, hein, le fait de, c'est-à-dire en fin de compte, la personne va lire, elle va essayer de mémoriser, donc elle va lire, même s'il le faut, donc plusieurs fois, afin que la personne n'oublie pas. Cheikh Shankati rahmatullah alayhi, on dit de lui qu'il était capable de mémoriser un vers 3000 fois. Il répète 3000 fois le vers. Jusqu'à ce que les gens qui sont dans sa classe sortent, terminent avant lui les études. Ceux qui étaient avec lui, donc ceux qui étaient avec lui en train d'apprendre bon, tel ou tel domaine, il termina avant lui. Et il lui disait, pourquoi tu restes longtemps? Il disait, pour rentrer chez moi le plus rapidement possible. Sa réponse était, afin de rentrer chez moi le plus rapidement possible. Parce que eux ils partent, mais après, le fait qu'ils ont peut-être appris rapidement, ça ne va pas rester aussi solidement. Parce que lui, quand il partait, c'était, tout est appris, solidement, ça ne bouge plus. Contrairement à ceux qui hein, font vite pour apprendre et qu'en vérité, ça va pas rester pas longtemps. Donc c'est comme si, une fois que c'était parti, c'est comme si presque ils n'étaient pas revenus. C'est comme s'ils n'étaient pas vraiment totalement partis. Donc ils ont besoin des fois de revenir pour recommencer ou bien pour justement assimiler, pour pouvoir le retenir. Tandis que lui, il restait plus longtemps pour ne plus revenir. C'est-à-dire que c'était pour lui une façon de revenir justement avant eux. Non. Le martaba est rabia, quatrième point, quatrième étape. Tablighuhu wa bathuhu fil ummati liyahsula bihi thamaratuhu wa maqsuduhu wa huwa bathuhu fil umma. Donc, le propager dans la communauté, afin de quoi? De justement, lorsqu'on propage quelque chose dans la communauté, c'est afin d'obtenir ses fruits. Les fruits, la science, c'est justement le fait de le propager afin que les gens aussi en profitent et aussi vont donc mettre en application. Donc, ce amel, cet acte qui va exister dans la communauté, c'est justement le fruit de cette science. Et c'est ça le but. Un morceau de roue, c'est le but, c'est justement que ce soit propagé partout. Et c'est justement donc cette propagation qui sera dans la communauté. Fahwa bimanzilatil el kenzi el medfouni fil ardi alladhi la yunfaqu minhu wa huwa mu'arradun li dhahabihi. Et cela, bien sûr, donc c'est cette science, elle est quoi? Considérée comme, ou c'est-à-dire on va la comparer comme le trésor qui est caché sous la terre, hein, qui n'est pas dont personne ne va en profiter, donc parce qu'il n'est pas propagé avec les, c'est-à-dire qu'il ne sera pas propagé vers les gens, et donc il pourrait même peut-être disparaître ou quoi que ce soit. Donc personne n'en profite, donc les gens n'en profiteraient pas. Donc c'est ça la science. Fa inna al-ilma ma lam yunfaq minhu, donc la science dont on n'aura pas fait don, celui qui ne fait pas don de la science, wa yu'allam fa innahu yushaku an yadhhaba. Car la science, si elle n'est pas propagée, elle risquerait de quoi? De disparaître. Imaginez-vous si les savants apprenaient que pour eux-mêmes et que ne propageaient pas. Donc s'ils meurent, ils meurent avec leur science. Et la science, et donc ils n'ont pas de successeurs, ils n'ont pas d'élèves, il n'y aurait plus de science. Donc ça, c'est comme le trésor dont personne ne retrouve. Fa'ida unfiqa minhu innama zaka min al-infaq. Et lorsque la personne va donner, hein, et propager seulement cette science, en fin de compte, c'est comme s'il avait purifié Akhel, donc par rapport à cette science. Il a purifié justement sa science en la propageant. فمن قام بهذه المراتب الأربعة دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن. Donc celui qui entre dans ces quatre étapes, donc fait partie, va profiter de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui comporte justement, hein, le Jamel, donc cette beauté, parce qu'il dit bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam que justement son visage est beau, hein, donc c'est un beau visage, donc qu'il soit zahir ou qu'il soit batin. Wa sahih, les personnes. Donc, on sait bien que, maintenant, si on parlait de grands savants, hein, donc ceux qui ont vu Cheikh Al-Taymiyyah, rahmatullah alayhi, son visage, Cheikh Ibn Baz et les autres, tout le monde va dire qu'ils ont des beaux visages. Même si ce n'est pas le mot beau visage que les gens connaissent, si on venait parler de juste mannequin ou je ne sais quoi, ou de je ne sais quoi, soi-disant la beauté, soi-disant chez certaines personnes. Ils n'ont rien à voir avec cela. Mais pourtant, justement parce que c'est mon avoir, parce que justement il y a cette lumière, et tout le monde dira ils sont beaux. Tout le monde dira, ça y est, les gens de foi, sachent que ces gens-là, ils savent pertinemment que ces gens-là sont beaux. Justement, regardez par rapport, parce qu'ils ont profité de la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna nadrata hiya al-bahjatu wal-husnu alladhi yuksahu al-wajhu min athar al-iman wa ibtihaj al-batin bihi wa farah al-qalbi wa sururihi wa tadhadhihi bihi. Donc, Nadra, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le début du hadith, c'est justement donc ce sourire, c'est-à-dire c'est ce beau visage, hein, que la personne reçoit. Donc ça, c'est un don d'Allah Azzawajal, par justement la recevoir. Donc ça, c'est les traces, hein, c'est justement donc ce qui ressort de sa foi, hein, le fait que la personne aussi elle est heureuse, même dans l'intérieur, c'est ce qui est à l'intérieur, il va être ressorti dans son beau visage. Et son cœur est heureux, hein, donc son cœur va être heureux, non, du fait que justement la personne a justement pour cette fois. فَتُظْهِرُ هَذِهِ الْبَهْجَةُ وَالسُّرُورُ وَالْفَرْحَةُ نَضَارَةً عَلَى الْوَجْهِ. Donc bien sûr, donc ce qu'on a vu auparavant, donc là ça revient, donc c'est comme une répétition, c'est que justement cette fierté, hein, c'est-à-dire le fait d'être heureux, le fait donc tout ce bonheur, tout ce qui est intérieur va ressortir par le visage. وَلِهَذَا يَجْمَعُ لَهُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ السُّرُورِ والنظرة، كما في قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. سورة الإنسان verset 11. سورة الإنسان verset 11. Donc il dit: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. سورة الإنسان verset 11. فنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، فالنعيم والطيب القلب يظهر نضارة نضرة في الوجه، كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. سورة المطففين verset 24. سورة المطففين verset 24. Donc dans سورة الإنسان verset 11, Allah dit: Allah les protégera donc du mal ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. La splendeur. Donc la splendeur du visage, un visage qui est splendide. Et la joie. Par justement, par cette foi, par ce ilm. C'est ce ilm qui va faire cela. Et puis aussi, il dit, subhanahu wa ta'ala, donc dans le verset Mutafifin, dans le surat Mutafifin, verset 24, tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat et la facilité. Donc l'éclat, afwan, et la félicité. L'éclat et la félicité. Naam. والمقصود أن هذه النظرة في الوجه في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور التي الذي في قلبه وباطنه. Donc le vouloir dire de cette parole, de ce hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est que celui, donc cette félicité qui est dans ce visage, est pour celui qui écoute la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Il l'a assimilé, l'a apprise, l'a enseigné. Donc ça, c'est les traces, justement, de ce délice de la foi. Donc ce délice, cette félicité, donc cette joie, qui est où? Dans son cœur. C'est ce qui va ressortir de ce qu'il y a de son cœur et de ce qu'il y a dans son intérieur. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, tambihun ala fa'idati tabligh. Et aussi, donc, sallallahu alayhi wa sallam dit aussi que possible que celui qui porte donc une science, hein, donc celui qui va, il va peut-être porter une science vers celui qui sera peut-être meilleur que lui. Non, il est possible qu'il y a des gens qui savent, hein, qui seront peut-être des élèves, qui seront peut-être par la suite meilleurs que leurs chouyours. Hein, donc ils ont peut-être pris de plusieurs chouyours. L'imam Bukhari, il prend de plus de 1000 chir, hein, plus de 1000 chouyours. Il est automatiquement plus fort que certains d'entre eux, ou une bonne partie d'entre eux peut-être même. Hein, que lorsqu'on parle de grands imams comme l'imam Bukhari, il y a peut-être beaucoup de chances qu'il était plus fort qu'au moins certains d'entre eux. Naam. Donc ça, c'est tambihun ala faïdat et tablih. C'est tambih. Pourquoi il dit ça sur Rassam? Afin d'encourager ceux qui ont la science, de le donner. Parce qu'il est possible qu'il y a autour de toi des gens qui savent mieux parler que toi et qui ont plus de sens que toi et qui auront peut-être mieux compris ce que tu auras donné et vont enseigner encore mieux que ce que tu auras fait. De toute façon, en même temps, tu seras toujours en plus récompensé derrière. Donc ça justement, ça porte. Hein, ça porte justement, ça incite et ça pousse les gens à quoi? À justement à enseigner, à faire tablir, à faire da'wa. Wa inna al-muballigha qad yakunu afhama min al-muballigh. Donc c'est-à-dire que celui qui a reçu peut-être qu'il comprend mieux que celui qui a enseigné. Fa yahsul lahu fi tilka al-maqalati ma lam yahsul lil-muballigh. Et donc il va recevoir justement par rapport à cette parole ce que celui qui a dit n'avait pas reçu, c'est-à-dire par rapport à la compréhension. Aw yakunu al-ma'na anna al-muballigh qad yakunu afqah min al-muballigh. Ou on peut comprendre aussi par rapport au hadith que celui qui a reçu, bien sûr, est donc plus savant, il comprend mieux que celui qui, c'est-à-dire celui qui parle, celui qui enseigne, celui qui propage. Fa idha sami'a tilka al-maqalata hamalaha ala ahsani wujuhiha wa istanbata fiqhaha wa 'alima al-murad biha minha. Car celui qui a reçu, hein, et peut-être donc, parce que lorsqu'il va recevoir cela, c'est-à-dire il va la comprendre comme il le faut, de la façon qui est demandée. Hein, dans la façon qui est demandée, et il y aura aussi bien sûr ressorti donc ces règles qui sont religieuses, et bien sûr il y aura enseigné comme il le faut. Donc il va appris, lui il aura appris en fin de compte la masala comme il le faut. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, thalathatun, afwan, thalathun, la yughallu alayhinna qalbu muslimin. Les trois choses. Hein, justement, donc il ne va pas faire que la personne sera jalouse. C'est-à-dire le cœur du musulman ne sera pas jaloux par rapport à trois points, trois choses. Il a akhirihi, donc jusqu'à la fin du hadith. Ay, la yahmilu al-ghil, hein, wa la yabqa fihi ma'a hadhihi al-thalatha. La personne n'aura pas cette jalousie, cette hantise. Il ne va pas avoir être jaloux, hein, des gens. parce qu'il aura justement trois points. Trois points qui sont entrés dans son cœur. S'il a ça, la personne ne peut pas être jaloux. فإنها تنفي الغلة والغشة وفساد القلب وسخائمه والمخلص لله إخلاصه يمنع غلة قلبه. Donc parce que justement ces choses-là vont interdire à cette hantise, à cette jalousie, hein, le riche, la traîtrise, le fait de tricher, hein, et aussi donc le fait de corrompre son cœur. Donc là, car par exemple déjà lorsqu'on parle de le premier exemple qui est justement donc la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, donc sincérité va interdire, hein, ne va pas laisser passer justement cette jalousie, cette hantise dans son cœur. Et va le faire disparaître, hein, de façon grossière, c'est-à-dire de façon générale, directement. Il va faire disparaître tout ça. وَلِأَنَّهُ قَدْ انْصَرَفَتْ دَعَاوِي قَلْبِهِ وَإِرَادَتِهِ إِلَى مَرْضَتِ رَبِّهِ. Car pourquoi? Parce que son cœur se dirige en fin de compte. Hein? Son cœur et ses envies, donc c'est-à-dire son ikhlas, hein, sa sincérité auprès d'Allah, va justement se diriger vers quoi? Vers tout ce qui sera, tout ce qui va amener à l'agrément de son Seigneur. Tout ce qu'il va amener à l'agrément de son Seigneur. Donc lui, il est dirigé. Il a un ham. Il a quoi? Il a une envie. Il a justement, donc lui, son but, c'est justement de faire plaisir, hein, c'est-à-dire, bien sûr, Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire d'avoir, d'acquérir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمْ يَبْقَ مِنْ فِيهِ مَوْدِعُونَ لِلْغِلِّ وَالْغِشِ. Il n'y aura pas dans son cœur un coin ou un bout, hein, c'est-à-dire une partie de son cœur, c'est-à-dire cette hantise et aussi cette tricherie. كَمَا قَالَ تَعَالَى وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Surat Yusuf, verset 24. Donc surat Yusuf, verset 24. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il le dit pour son prophète Yusuf alayhi salam, hein, par rapport à lorsque Hammat bihi wa huwa hamma biha, lorsqu'elle a pensé à lui, Imrat al-Aziz, et lui aussi il a pensé à elle, et Allah bien sûr, lui a fait disparaître, lui a enlevé, hein, justement cela. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il est certes de nos serviteurs élus. Le fait qu'il était sincère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a enlevé cela. Et pourtant c'était hamma biha, alhamdoulilah, donc c'était pas un grand péché. Parce que hamma biha c'est intérieur. Il n'a pas fait, il n'a rien fait. Donc c'est un petit péché. On sait que les prophètes ils sont exempts de grands péchés. Donc c'était un petit péché, mais qui a été tout de suite effacé. Hein, lorsque Allah lui connaissait les signes de son Seigneur. Et bien sûr, et après cela, Allah lui a enlevé justement cela, en disant que, bien sûr, il fait partie des serviteurs qui ont été élus. Donc, on voit que il a enlevé ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est une fois, bien sûr, c'est le cœur. وَلِهَدَ لَمَّا عَلِمَ إِبْلِيسُ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى أَهْلِ الْإِخْلَاسِ إِسْتَثْنَاهُمْ مِنْ شِرْطَتِهِ أَلَّتِي اشْتَرَطَهَا لِلْغِوَايَةِ وَالْإِهْلَاكِ فَقَالْ فَبِعِزَّتِكَ. Soit au Sad, verset 83. Wa qala ta'ala, inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'a min al-ghawin. Afwan, man ittaba'aka min al-ghawin. Soit au Hajr, verset 42. Donc soit au Sad, verset 83. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est-à-dire par rapport toujours à l'ikhlas, par rapport toujours à l'importance de l'ikhlas, de la sincérité, c'est que lorsque Iblis, lorsqu'il a vu qu'il ne pouvait rien faire contre les gens de l'Ikhlas, regardez, l'Ikhlas, c'est quoi? C'est le plus grand ennemi d'Iblis. Donc la sincérité, c'est le plus grand ennemi de Shaitan. Hein? Donc il a justement donc, fait l'exception donc, dans sa condition, puisqu'il a su qu'il ne pouvait rien faire. Donc c'était une condition, c'était une exception. Il a conditionné justement cette exception que les Mukhlissin, les gens qui sont sincères, je ne peux rien faire contre eux. Il sait que Shaitan, il ne peut rien faire contre eux. Il ne peut pas les égarer. Il ne pourra pas justement les égarer, les faire périr. Donc il dit, donc sauf tes serviteurs élus parmi eux, donc bien sûr, donc par ta force ou par ta puissance, je vais tous les faire périr. C'est-à-dire, je vais tous les égarer, sauf bien sûr tes serviteurs qui sont élus parmi eux. Hein, parce qu'il manque le. Donc, il n'y a que la deuxième partie du verset Sad 83. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, aussi, donc dans la sourate Al-Hajr, verset 42. Donc. Moi j'ai pas ça. Donc certes mes serviteurs donc certes mes serviteurs donc tu n'auras pas en fin de compte de quoi de sultan alayhim, donc tu n'auras pas de d'emprise, hein, tu n'auras pas d'emprise sur eux sauf ceux qui vont te suivre parmi les égarés, hein, sauf ceux qui vont te suivre parmi les égarés. فالإخلاص هو سبيل الخلاص والإسلام مركب السلامة والإيمان خاتم الأمان. Donc la sincérité c'est justement donc la voie, hein, vers justement ce qui va, c'est-à-dire dans le sens où tout ce qui va, c'est-à-dire tout ce qui va purifier les choses. Donc ça c'est la sincérité. L'islam c'est aussi donc ce qui comporte, hein, donc la sainteté, ce qui comporte tout ce qui va protéger, tout ce qui va en vérité le salama min le une kulliché, donc par une shirk et d'autres. Et la foi, c'est justement donc le summum, où c'est le confin de cette sécurité, de la sécurité. Waqaluhu. Waqaluhu wa munasahatu aimmatil muslimin. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le conseil envers les gouverneurs des musulmans, hada aiden munafin il ghil wal rish. Donc cela aussi, c'est bien sûr, c'est contraire, hein, et c'est ce qui rejette donc justement cette jalousie et cette traîtrise et cette tricherie. Fa inna nasihata la tujamihu al-ghil. Car le bon conseil, hein, le conseil ne peut pas être allié, ne peut pas, c'est-à-dire il peut pas avoir des vainqueurs, quelqu'un qui conseille et quelqu'un qui soit jaloux. Celui qui conseille pour Allah, il peut pas être jaloux, c'est pas possible, parce qu'il conseille pour Allah, parce qu'il veut pour la personne ce qui est meilleur. Nasiha, c'est justement et c'est justement le fait de venir enlever, le fait de venir purifier ce qui est mauvais en la personne. Enfin, de le ramener vers le haut. Donc le fait de le ramener dans le haut, qui est justement le contraire, et celui qui va conseiller les gouverneurs et la communauté sera justement protégé, hein, justement sera, c'est-à-dire sera exempt ou bien sera innocenté de quoi ? De toute jalousie. Waqaluhu wa luzum jama'atahum. Et le fait, bien sûr, de rester avec le groupe. Car aussi, cela, bien sûr, purifie le cœur de cette jalousie et de cette tricherie, car celui qui reste avec le groupe, justement, aime ce qu'il aime pour eux, normalement, ce qu'il aime pour lui-même. Le fait de rester avec le groupe de musulmans, c'est le fait parce qu'on aime aussi en même temps, on aime pour eux ce qu'on aime pour nous-mêmes. Donc il déteste aussi pour eux ce qu'il déteste, bien sûr, pour lui-même. Et aussi il est touché par ceux dont ils ont été touchés. S'il y a quelque chose qui nous afflige, donc le musulman doit être affligé. Et la même chose, si la personne reçoit donc une bonne nouvelle, une bonne annonce, comme une naissance par exemple ou quoi que ce soit, les autres personnes, le croyant, eh bien sûr, est content de cela. Donc on est content des bonnes choses, et comme aussi on va être touché, affligé par les mauvaises choses. C'est Ça, c'est contraire justement avec ceux qui vont se mettre de côté, qui vont pas rester avec eux, donc ils vont s'écarter et vont passer leur temps à les insulter, à les critiquer, à sortir leurs défauts et à les réprimander et à les critiquer. Rafidati wal Khawarij wal Mu'tazila wa ghayrihim. Comme qui? Rawafid, donc ils insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui voient donc que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont sortis de l'islam, à part certains de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi Al-Mirdad, mais enfin aussi Ammar et aussi Salman, voilà. Et aussi Salman, hein, qui est chez eux à l'origine. Ou Al-Khawarij, donc bien sûr qu'il y a Kafaru, donc le Sahabata. Donc les Khawarij qui ont Kafar, le Sahabata, à leur tête, donc les gouvernements, comme Othman, comme Ali et les autres. Ou Al-Mu'tazila, donc qui ressemble à Kuhel à eux, parce qu'ils disent aussi que celui qui est Murtakab al-Kabira, à Kuhel pour eux, même si c'est un Kafar fi dunya, mais fi akhira c'est Manzila bayna Manzilaten, ou le contraire. Hein, donc le Mu'tazila, qui aussi donc ressemble aux Khawarij dans beaucoup de points. Là, en vérité, c'est la même chose parce qu'ils sont quand même chez eux en enfer. Et aussi ici, donc il est donné à les ni kafir, les ni croyants. Donc c'est Manzila Bayna Manzilaten. Et d'autres encore, qui sont à Kulhen nombreux. Qui sont nombreux. Même les soufis disent que les gens de la Sunna et de la loi de Jamara sont des mécréants. Sont des mécréants. Fa'inna quloubahum mumtaliatun ghillan wa rishan. Parce que leurs cœurs, pourquoi ils sont comme ça? Sont remplis justement de jalousie et de tricherie. Ça suffit cependant de savoir que le fait qu'ils mentent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que c'est des gens qui trichent. Ils mentent sur, hein, ils mentent sur Allah, ils mentent sur son prophète. Et ils disent que ça c'est l'islam. Donc cela est suffisant déjà comme tricherie. Walihada tajidu rafidata abada nasi min al-ikhlas. Et c'est pour ça que tu vois les rawafid, donc les gens les plus loin de la sincérité, qui sont les plus loin de la sincérité. Wa akhshahum lil a'imma wal umma. Et c'est aussi bien sûr ceux qui trahissent le plus les gouverneurs et la communauté. Et naam, il suffit de voir la chute de Bagdad. Hein? Ibn al-Alqami, qu'est-ce qu'il fait? C'est le ministre le plus proche du gouverneur à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit au gouverneur, fais partir, donc donne des vacances à l'armée, qui était nombreuse, parce que c'est vrai que les Tatars ils pouvaient rentrer. Il dit à tout le monde de partir, t'en laisses que 10 000, t'en laisses qu'une petite partie, et puis vient le million ou le plus que ça encore peut-être. De Tatar et qui vient et qui tue tout le monde. Par qui? Par un Rafidi, parce qu'il était ministre. Donc c'est comme ça qu'il y a eu la chute de Bagdad, c'est comme ça qu'il y a eu la chute de la Dawla Abbasiya. Par qui? Par un Rafidi. Donc vous voyez déjà comment qu'ils sont, comment que ce sont des traîtres. C'est lui qui a dit aux gens, venez tel jour, il n'y aura personne. Hein, il y aura peu de gens. C'est lui qui a dit ça aux Tatars. Wa shaddahum burdan an jama'at al muslimin. Ça, ce sont les gens qui sont les plus loin à Kulhal du groupe des musulmans. Rafidi qui dit à son shir, je suis en Europe, mais je suis entouré des gens de la Sunna du consensus. Comment je dois faire si je veux savoir un hukm shar'i? Comment je veux faire si je veux savoir ce que ceci est halal ou que cela est haram? Il dit, tu poses la question à l'imam qui est sunni, hein, de la mosquée, et tout ce qu'il dit, tu fais le contraire. Donc voilà comment ils sont. Donc on voit qu'ils sont abad. Et tout ce que tu, tout ce qu'il dit, voilà, c'est la réponse chez eux. Tout ce qu'il dit, tu fais le contraire. Fahala oui, fahaula ashadun nasi ghillan wa ish wa rishan bi shahadati rasulihi. بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك لأنهم لم يكونوا قط إلا أعوانا وأظهارا على أهل الإسلام فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. Donc ces gens-là sont les gens, donc justement les pires, donc ce sont les pires des pires des personnes, c'est-à-dire ce sont les plus jaloux et ce sont les plus traîtres, d'accord. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré, a attesté dans ce hadith. Et aussi par rapport, bien sûr, à la communauté. Car ces gens-là, on voit ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que jamais on les a vus à Kulhel aider, bien sûr, les gens, on ne les a jamais vus aider les gens donc, de l'islam. Ils ont toujours été, bien sûr, ennemis. Et, c'est-à-dire, on n'a jamais vu des gens qui ont été plus ennemis que les musulmans que ces gens-là. On n'a jamais vu les plus ennemis que ces gens-là, bien sûr. Que le Rawafid, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qui se passe maintenant, c'est eux. Jusqu'à ce qui se passe maintenant, l'Irak et tout, c'est eux. C'est eux les premiers. Ils sont en Angleterre, c'est eux qui ont donné l'idée. C'est eux qui ont expliqué comment il fallait faire. Rawafid. Wahada Amrun Qad, Shahadat Hul Ummatu Minhum, ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الأذان hein, ويجي القلوب. Et bien sûr, ça c'est quelque chose que non, c'est quelque chose qui a été palpé, c'est quelque chose qui a été vu dans la communauté. Et celui qui l'a pas vu, minimum au moins il l'a entendu. Et on peut raconter Dieu des histoires, parlant donc on va, dont on va bien sûr, on va être trop touché. Hein, le fait de qu'ils sont venus hein, parmi eux, ceux qui tuaient les musulmans qui faisaient tawaf, jusqu'à ce qu'autour de la Kaaba, ils s'étaient remplis, hein, parmi les bâtiments, c'était rempli de sang. C'est eux qui ont pris la pierre noire, c'est eux qui. Il suffit de savoir ce qu'ils disent sur, le, hein, sur les compagnons, sur Djibril. Hein, on voit Shabahoun parmi les autres religions lorsqu'ils insultent Djibril. Il n'y a pas que. Il y a d'autres religions qui n'aiment pas Djibril, c'est Adouhum. Et eux sont la même chose. Ils n'aiment pas les anges. Donc ils n'aiment pas. Et ils disent que le prophète, bien sûr, dire que la révélation devait venir chez Ali. Et ils insultent les compagnons. Ils commencent bien sûr par Abou Bakr et Omar, ce qui sont les pires pour eux. Et il suffit tout simplement le fait qu'ils changent juste une lettre du Coran. Donc non seulement ils enlèvent du Coran et ils rajoutent du Coran ou ils changent hein, certaines, bien sûr, certaines règles de grammaire afin de changer. Donc ils rajoutent, ils enlèvent et aussi ils font un tahrif par rapport au lafd, par rapport au lafd. Donc ils ont plusieurs façons justement de changer cette religion. Et ils ont rajouté des sourates et ils ont un livre, hein, leur Bukhari à eux, c'est-à-dire leur livre dont ils reviennent avec une chaîne de transmission qui est même par des ânes. Donc, hein, donc c'est un âne qui parle, qui dit Haddathani Abi, Jaddi, qui a dit que l'âne qui était avec, donc l'âne qui était avec Nuh, alayhi salatu wasalam, qui a dit il y aura bien sûr, donc en parlant de hein, je sais plus si c'est le Mahdi, hein? Donc en parlant justement donc, d'un des 12 imams, Abdul-Hil, c'est ça, en parlant d'un des 12 imams qui dit que donc, Nuh a dit à cet âne, il y aura un de tes descendants qui va porter donc un des 12 imams. Donc vous voyez un petit peu Haddathani, donc un âne qui parle d'un autre âne. Voilà les chaînes de transmission. Donc Naam. Donc cependant, des fois on dit les gens ils sont pires que les animaux eux, et aussi ils sont bien pires que les animaux. Et aussi donc tuhitu min waraihim. Donc il dit wa hada min ahsan al kalami wa awjazihi. Naam. وأفخمه معنى شبه دعوة المسلمين بالسرور والسياح والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم فتلك دعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كان سرورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين وحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شجرها وتحيط بها فمن دخل في جماعته وحاط به وشملته. Donc leur da'wa justement, donc leur da'wa justement, elle va même comporter et englober ceux qui viennent après. Et il dit, Ibn Al-Qayyim par rapport à cela, rahmallah, que cette parole, donc c'est parmi les paroles les plus belles et aussi les plus courtes. Donc ça a été court. On sait que le prophète sallam outilla Jawami al-Kalim. Et elle a un sens qui est bien sûr énorme. Donc il est comme ça, il est lourd. Donc il a ressemblé la da'wa des croyants, donc justement cet appel des musulmans, avec cette joie hein, qui les comporte. Donc il faut que la personne soit sincère, il faut que la personne conseille les gens, et il faut aussi que la personne reste avec les musulmans. Donc il n'y aura pas mieux que ça. Tout ça, c'est quoi? C'est considéré, ça revient, c'est un lien avec le début du hadith. Lorsqu'il dit là, shir, donc on comprend qu'il y a un lien avec ce qui a donc le début du hadith, que la personne justement aura cette félicité. Donc qui va justement englober tous ces musulmans. Et le fait qu'ils sont comme ça, donc il y aura quoi? Il y aura justement le fait que les musulmans ne peuvent pas, hein, l'adou, l'ennemi ne pourra pas rentrer chez eux. Parce que s'ils sont unis, s'ils sont, hein, s'ils se conseillent mutuellement, s'ils sont sincères, il n'y a rien. Il n'y a pas moyen de rentrer. Là, donc, l'adou, le djinn, hein, le shaitan, l'ins. Donc il n'y aura pas l'adou, que ce soit le djinn ou l'ins. Parce que le shaitan, il ne pourra pas. Il n'y aura pas de l'asabillahu. L'asabillahu. Donc on voit qu'il n'y a pas de voie pour shaitan. Donc l'adou, il devient faible. L'adou, il devient faible. Et ça, justement, donc ça c'est. Donc on voit que cette da'wah, donc c'est justement da'wah de l'islam. C'est donc parce qu'ils sont rentrés, parce que justement que c'est la da'wah de l'islam, donc c'est l'invocation de l'islam, ou l'appel de l'islam. Et Comment on peut avoir cela, justement, comment on peut recevoir ce bonheur et aussi donc cette félicité, c'est par le fait de quoi? De rester en groupe. Hein, donc la personne va être sincère, la personne vont la sincérité, donc elle est, c'est, à ce moment-là, on voit que c'est une parole, on voit que c'est un acte qui provient du cœur. Après, on se retrouve juste après avec une fois encore un acte qui va être parolier, hein, dans le sens où on fait nasiha aux gens, on va conseiller les gens. Et aussi le fait de rester, donc ça c'est physique, ça c'est par les actes. Le fait de prier en groupe, le fait de faire le hajj avec le gouverneur, le fait de appeler, d'être présent si le gouverneur nous appelle même à la djihad par exemple ou autre. Et là, donc les gens vont justement rester avec ce groupe. Et c'est ça qui va faire que justement, c'est ça, Da'watul Islam. C'est justement ça, Da'watul Islam, qui va quoi, réunir les musulmans et qui va bien sûr les protéger de tout ce qui pourrait rentrer. Hein, de tout ennemi, que ce soit bien sûr hissi ou la ma'nawi, donc que ce soit dans les deux types, que ce soit, c'est-à-dire palpable, hein, et que ce soit aussi bien sûr intérieur. Al-waj thani wal-arbaun. Donc le 42e point, l'amru nabawi bitabir al-ilm. L'amru nabawi bitabir al-ilm. Donc l'ordre prophétique de. C'est-à-dire la prêche religieuse, la prêche de la science, le fait d'enseigner la science. Donc l'ordre prophétique pour la prêche, c'est-à-dire de la science. An an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amara bitablir al-ilm anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, a ordonné d'enseigner ou de propager la science qui provient de lui, anhu. Fafi sahih Muslim al-Bukhari wa Muslim min hadith Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, annoncez de moi ou propagez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Hein? Ne serait-ce qu'un verset. Et racontez donc les histoires des enfants d'Israël, il n'y a pas de problème. Voilà haraj. Donc il n'y aura pas de problème. Et celui qui ment sur moi, en faisant exprès qu'il prépare donc sa place en enfer. وقال ليبلغ شاهد منكم الغائب. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim, c'est Hujjat al-Wada', hein, donc dans la prêche, c'est-à-dire de l'adieu, dans le sermon d'adieu avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, et avant qu'il meure sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a bien sûr cité donc le dernier verset. Hein, pour dire que la religion est devenue complète, elle est devenue complète. Là, son travail était terminé. Donc déjà, certains compagnons ont compris que lorsqu'il allait rester ce verset, ça veut dire qu'il allait mourir, hein, qu'il allait bien sûr partir, parce que le fait que là, son travail est terminé. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui est présent, hein, c'est-à-dire propage, annonce à celui qui est absent, que le présent prévienne l'absent. وروى ذلك أبو بكرة ووابطة بن معبد وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأسماء بنت يزيد بن سكن وغيرهم. Donc il y a au moins 15 ou 20 compagnons qui ont cité justement ce hadith. Donc c'est un hadith qui est mutawatir. C'est un hadith qui est mutawatir. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ. والله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ. Et le prophète صلى الله عليه وسلم donc a ordonné aux gens de propager ce qui provient de lui صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire comme guidé dans justement, parce qu'on sait que la propagation de la guidée du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est justement la guidée pour les gens, donc c'est la guidée pour ceux qui vont la recevoir. Et en plus le prophète صلى الله عليه وسلم profitera et gagnera, hein, sera récompensé donc d'une récompense de celui qui aura propagé et aussi de celui qui aura récupéré, de celui qui aura justement reçu cette propagation. Et à chaque fois, donc plus il y aura de la propagation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de l'islam, donc la récompense elle sera bien sûr plus énorme. Falahu min al-ajri bi'adadi kulli muballighin wa kulli muhtadin bi dhalika al-balagh sawa'un ma lahu min al-ajri min ajli 'amalihi al-mukhtass bihi. Donc bien sûr il aura la récompense selon bien sûr donc le nombre, hein, de personnes guidées par rapport à à cette propagation. Non. Donc, par rapport à, bien sûr, et aussi, il aura aussi la guidée par rapport à l'acte. Donc, il y aura le guide. Non seulement il va recevoir sa salam, donc la récompense par rapport à la guidée, par rapport aux paroles qui sont déjà envoyées, mais en plus, il y aura la récompense aussi par les œuvres qui seront commises, hein, et qui ont été reçues, donc les œuvres qui sont commises, parce que justement, elles sont le résultat, hein, de cette propagation. Et tous ceux qui seront guidés et qui vont donc qui seront guidés, qui vont guider aussi par ce tablir, donc par cette propagation, aura la récompense. Car c'est lui qui appelle à cela. Hein, c'est parce que c'est lui qui est donc l'appel, l'appeleur à cela. Voilà, au lamia kunfit, fitablir l'ilm, illa husulma, yuhibbul, et si dans cette propagation il n'y avait de la science, il n'y avait que justement, si c'était juste, s'il avait juste, c'est-à-dire s'il recevait juste que ce qu'il aimait, hein, de cela, si c'était que son amour de justement cette propagation a été suffisante. C'était déjà suffisant pour montrer que la science elle est, c'est-à-dire énorme. C'est suffisant comme fadl, comme grâce, comme bienfait. Dans le sens où le prophète sallam, il demande, il aime qu'on propage. Donc s'il n'y avait que ça, c'est-à-dire sans la récompense, c'était déjà suffisant pour montrer que la science elle est bien. Mais imaginez-vous que non seulement elle est bien par elle-même, parce qu'elle est bien par elle-même, c'est vrai, mais en plus, il y a quoi derrière? Et en plus, la récompense. Donc tu fais quelque chose de bien parce que c'est bien par lui-même, mais en plus, derrière, t'as quoi? T'as l'âge, et ça, c'est encore plus énorme. Et en plus, parmi les signes de celui qui aime et de celui qui est véridique, c'est qu'il court, c'est qu'il s'empresse justement à quoi? À recevoir le mahboub, ce qui est aimé. Hein, ce qui est aimé, donc mahboub, mahboubihi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui est aimé de la part de qui? De son prophète. Et bien sûr, il est content et il va faire tous les efforts. Hein. Non, je crois que j'ai dit wajahou tout à l'heure, ça. Parce que tout à l'heure, je crois que j'ai dit wajahou. Et il va faire tous les efforts possibles pour cela. Donc, ça, c'est Mahboub, tout en sachant que lorsqu'on dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on dit bien sûr Habibullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est donc c'est Khalilullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est aimé par Allah, hein, donc c'est Khalilullah en vérité. Parce que en disant Mahboub, hein, Habibullah tout simplement, par rapport à certains, surtout les soufis, ceux qui aiment bien dire Mohammed Habibullah, en fait, les professeurs ont plus que cela. Parce que hein, le khulla, c'est un degré qui est au-dessus du hub dans l'amour. Et ça a été bien sûr dit pour Ibrahim a.s. Mais c'est aussi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui plus aimé, plus encore aimé que Ibrahim a.s. Et c'est dit pour, en vérité, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas avoir de Khalil. C'est pour ça qu'il n'a pas pris Abu Bakr, c'est dit comme Khalil, parce que hein, le khulla, elle a dit. Le chez, elle a dit, c'est celui qui est complètement hein, mélangé, donc imprégné dans le cœur. Et il n'y a personne qui. Donc, celui qui est le plus imprégné dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah. Donc, c'est pour ça qu'il est là. Mais nous, on peut avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Khalil, comme le dit certains compagnons, comme Ibn Mas'ud. Hein, quand il dit, Zakarani ou bien Akhbarani Khalili. Il le dit. Parce que nous, on n'est pas du niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on nous, on peut avoir. Justement, cette roue-là, ça ne veut pas dire qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'Allah, mais on peut l'aimer fortement parce que c'est lui qui ramène, parce qu'il n'y a aucun homme qu'on va préférer plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on peut l'appeler El-Khalil. Tandis que le prophète, il n'y a pas de Khalil. Il ne peut pas aimer parce que tous ceux qui sont prévus sont en dessous de lui. Donc, la première personne pour lui, c'est qui? C'est Allah. Tandis que nous, on aime Allah, bien sûr, en premier, hein, mais on l'aime aussi en tant qu'humain. La première personne, c'est le prophète. C'est pour ça qu'il y a une différence hein, entre le khulla par rapport au prophète et par rapport, je veux dire, aux compagnons. Donc c'est pour ça que le prophète, lui, non, il n'y a pas de khalil. Mais nous, notre khalil, c'est bien sûr le prophète. On a vu ça. Donc là, ici, bien sûr, si chéri laisse mahboub, hein, il y a mahboubihi, c'est pour faire une liaison, en fin de compte, hein, entre le hub et le mahboub, tout simplement. ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة. Et c'est clair, donc من المعلوم, ce qui est clair, c'est que qui est connu, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est préférable auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que justement le fait que la guidée soit arrivée, que la guidée parvienne chez, dans toute la communauté. Voilà, Ummah est divisée en deux. Hein, Ummah. Donc il y a l'Ijaba, il y a Ummah al-Da'wa. Ummah al-Da'wa wa Ummah al-Ijaba. Ummah al-Da'wa, c'est tout le monde. Les juifs, les chrétiens, les majous, c'est toute l'humanité. Ummah al-Ijaba, c'est les musulmans, ceux qui ont ajabu, ceux qui ont accepté, ceux qui ont, c'est-à-dire répondu. Donc les musulmans. فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه. Donc celui qui a donc reçu justement. Donc c'est-à-dire le mubalir anhu, donc celui qui a reçu, c'est-à-dire il va vers justement hein, ce qui est aimé, ce qui est aimé par le prophète. فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه. مبلغ يعني. Enfin celui qui va justement propager. Donc il fait ce qui donc justement ce qui est aimé, ce qui est aimé, et lui sera le automatiquement la plus proche, ça sera la plus proche de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est un da'i. Parce qu'il fait en vérité le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait le travail que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait. On sait que toujours que les savants sont les héritiers du prophète. Donc ils sont héritiers dans quoi? Toujours dans la science. Wa huwa na'ibuhu wa khalifuhu wa khalifatuhu fi ummati. Et c'est son remplaçant, c'est son second. Hein? Donc c'est celui qui va le remplacer. Et c'est celui qui le succède pour sa communauté. وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم واهله. Et cela est suffisant, totalement suffisant hein, pour dire que cela est un bienfait et c'est quelque chose qui est honorable. Donc c'est suffisant pour dire que la science c'est a une grande valeur, il y a aussi une place honorable et bien sûr les gens de science c'est la même chose. Donc la science et les gens de science ont une grande valeur et sont aussi honorables. الوجه الثالث والأربعون 43e point تقديم بالعلم الشرعي. Donc le fait, c'est-à-dire le fait de faire passer avant la science religieuse. تقديم hein, faire passer avant, faire prévaloir la science religieuse. أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية وأشرفها وقدم بالعلم الأفضل على غيره. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait passer bien sûr les fadail, donc il a fait passer les meilleures choses, donc par rapport à, c'est-à-dire les bienfaits donc de la science religieuse, par bien sûr les choses les plus importantes hein, au niveau de la religion. Donc la science religieuse, bien sûr, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus honorable par rapport à la religion. Et il a fait bien sûr passer donc la science, comme quoi la science c'est plus important que les autres choses. La science religieuse, c'est ce qui elle est meilleure et elle est plus importante que les autres choses. Farawa Muslimun fi sahihi hadith ibn Mas'ud al-Badri an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ya ummul qawma aqra'uhum bi kitabillah li kitabillah fa in kanu fi al-qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bi sunnah fa in kanu bi sunnati sawa'an fa aqdamuhum islama aw sinnan wa dhakara al-hadith. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapport de Zahadith qui est rapporté par Muslim. Donc, va présider la prière, hein, donc va présider un peuple. Là, on sait qu'on parle de la prière. Celui qui récite donc le mieux le livre d'Allah. Celui qui connaît mieux la récitation du livre d'Allah. Et si ils sont égaux, donc s'il y a des personnes qui sont égales dans la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc celui qui connaît mieux la sunna, celui qui est plus savant dans la sunna. Et s'ils sont encore une fois égaux dans la sunna, alors celui qui a été plus ancien dans l'islam, dans son entrée en islam, ou le plus âgé. Donc on voit toujours le reste, toujours qu'on voit que là on a affaire à quoi? À la suprématie de la science, à la suprématie donc de la science. Et s'il y avait un même niveau dans la science, à ce moment-là, on va parler du taqdir, de l'honorabilité de la personne, c'est-à-dire le respect de la personne qui est plus vieille, ou le respect de la personne qui est entrée dans l'islam avant. Parce qu'il y a un fadl pour ceux qui sont entrés en avant. On voit bien que les muhajirin, hein, donc ils ont un fadl par rapport à l'ansar, le fait qu'ils étaient plus anciens qu'eux dans leur entrée dans l'islam. Et ça, c'est justement un adab, c'est un adab, de savoir que les gens doivent respecter ceux qui sont plus vieux qu'eux et ceux qui sont plus anciens qu'eux dans le dîn. فَقَدَّمَ فِي الْإِمَامَةِ تَفْدِيلَهُ الْعِلْمَ عَلَى تَقْدِيمِ الْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ. Donc il a commencé, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait prévaloir d'abord dans le fait d'être imam. Donc la suprématie de la science avant la suprématie de l'islam et de la hijra. Parce que le hadith là il ne parle pas de la hijra, mais on sait qu'après il parle encore de la hijra par rapport à la suite hein? Donc on voit que ce qui compte c'était la personne qui avait plus de science. Et quand il dit au prophète, la personne qui a le plus de science, ça veut dire que ça se peut qu'elle a le plus de science, et pourtant elle est peut-être plus jeune, et pourtant elle est peut-être entrée dans l'islam après, et pourtant elle a peut-être fait la hijra après. C'est possible. Mais il a quand même dit le plus savant. Donc il a commencé, regardez, par toutes les choses qui sont nobles, mais la chose la plus noble de parmi les choses qui sont nobles. Voilà ma kana l'ilmu bil Qur'ani afdala min l'ilmi bi sunnati li sharafi ma'lumihi ala ma'lumi sunnati quddima l'ilmu bi. Hein? Le fait que la science du Coran donc, est meilleure que la science de la Sunna, hein, du fait de son honorabilité, par Ma'loum. Le Ma'loum, c'est parce que c'est la parole d'Allah. Ma'loumihi, parce que c'est justement ce kalamullah. C'est pour ça que c'est important. Avant la Sunna du Prophète, sallam, parce que ça, c'est la parole du Prophète, sallam, même si en vérité, on sait que c'est meflou. On sait que c'est par rapport au hukm shar'i, c'est la même chose. On parle pas, là, on parle par rapport à la valeur, pas par rapport au hukm shar'i qui est ressorti. Donc on fait passer quoi auparavant? On fait prévaloir justement la science. Hein? Et après, qu'est-ce qui passe auparavant? C'est justement donc la science de la sunna avant la science, donc avant justement l'œuvre qui est la hijra, l'immigration. Hein? Donc justement là on voit aussi par rapport à ça, donc ça pousse les gens à quoi? Parce qu'il y a plus de amal. Il y a plus de amal dans, hein, donc il y a plus d'actes à faire dans l'apprentissage de la sunna que dans le fait de faire la hijra. Et qui va être justement, c'est quelque chose qui va en plus différencier. C'est quelque chose qui va quoi? Qu'il y aura justement une différence entre cela. Voilà qu'il innama ra'a taqdima bil ilmi thumma al amal. Ra'a taqdima bil ilmi thumma al amal. Et là aussi, on voit encore une fois que il a fait prévaloir ça dans l'ensemble, donc la science avant l'acte. La science avant l'acte. Wa ra'a taqdima bil amali. Et il a fait aussi prévaloir la science du meilleur, hein, donc du premier avant le second. La science du Coran et après la science de la Sunna. Wa ghairihi wa hada yadullu ala sharaf al-ilmi wa fadlihi. Ça encore c'est une preuve, hein, que la science, l'honorabilité de la science et sa valeur passe avant le reste. Parce que c'est la science du Coran. Après, ça reste toujours dans le domaine de la science. C'est la science du Coran. C'est la science. La sunna. Et après, c'est l'acte. Donc, science et science. Mais là, c'est courant. C'est sunna. Wa ana ahlahu hum ahlu taqdim ila yani maratib ad-diniya. Et les gens donc, de cette science sont justement les gens de quoi? Aussi, d'un taqaddum yani ila maratib ad-diniya. Et c'est la même chose. Les gens de science, ceux qui connaissent mieux le livre d'Allah avec son interprétation, et donc, sont justement du meilleur niveau. Après, ceux qui connaissent la sunna. Et on sait que par rapport à cela, ça ne veut pas dire que, on va dire, le hamdulillah, on sait que justement muhaddithun, ça veut pas dire que c'est la deuxième catégorie, alors qu'on va retrouver que le hadith ce sont justement, hein, donc les meilleurs. On va retrouver que le hadith ce sont les meilleurs parce qu'ils connaissent, parce que le hadith c'est quoi? C'est mufassir al-Qur'an, c'est mufassir al-Qur'an, et le hadith justement ils connaissent le Coran. Il suffit de voir al-Bukhari, comment il fait, qu'est-ce qu'il fait les mêmes al-Bukhari, il met, quand il parle d'un sujet, il met quoi? Il met les hadiths, il met les versets, il met les hadiths, après il fait l'explication. Parce qu'ils sont joints ensemble. Il ne s'est pas occupé que du hadith sans avoir justement, hein, le Coran. Un vrai muhadith, il connaît Mourad al-Qur'an. C'est ça un muhadith. C'est qu'il connaît ce qu'il y a dans le Coran. Il sait ce que c'est. Il sait faire son tafsir. Justement, le Bukhari, il fait tafsir du Coran avec les hadiths. Et après, il fait l'explication. Il donne hein, justement, après on retrouve cette l'explication qu'il a fait. On voit le lien qu'il y a par rapport avec le hadith et le Coran, comme l'imam Bukhari. Et comme les autres aussi. Ils ont ce lien ensemble. الواجب الرابع والأربعون 44e point تعلم القرآن وتعليمه. Donc 44e point qui est l'apprentissage du Coran, et donc c'est-à-dire le fait d'apprendre ce Coran et aussi le fait de l'enseigner. ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et celui qui l'enseigne. Wa ta'allam al-Qur'an wa ta'limuhu yatanawalu ta'allum hurufihi wa ta'limaha wa ta'allum ma'anihi wa ta'limaha wa huwa ashrafu qismayi ta'limihi wa ta'limihi fa inna al-ma'na huwa al-maqsud wal lafdu wasilatun ilayhi fa ta'allum al-ma'na wa ta'limuhu ta'allum al-ghayati wa ta'limiha wa ta'limuhu wa ta'allum al-lafdi المجرد وتعلمه تعلم الوسائل و وتعليمها وبينهما كان بين الغايات والوسائل. Donc celui, comme il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc le hadith rapporté par Othman ibn Affan, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Et ça c'est normalement, sahih, c'est normalement la première sens que la personne doit apprendre, c'est justement le Coran. C'est pour ça que les ulama, ils apprenaient quand ils étaient petits, et après ils apprenaient le reste. Donc ils avaient le Coran, ils avaient l'arabe, et après ils entraient dans les sciences religieuses, bien sûr, petit à petit. Et ils disent aussi les salafs, ce que, une fois que le Coran, une fois qu'on avait terminé le Coran, tout ce qui venait après nous était facile. Tout ce qui était après nous était facile. Donc il y a une facilité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui enseignent cela, ce sont bien sûr les meilleurs des personnes. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire justement, donc, l'enseignement du Coran? Donc c'est l'enseignement du Coran, donc le fait d'apprendre, donc apprendre et enseigner ses lettres, hein, premièrement, et aussi apprendre et enseigner aussi ses sens. Et on sait que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, très peu d'entre eux, on l'a appris par cœur. Ils apprenaient 10 sourates, ils s'arrêtaient à cela, et bien sûr, ils apprenaient ses sens, ils l'apprenaient par cœur. Non seulement les huruf, c'est-à-dire le texte était appris par cœur, ils comprenaient le sens et bien sûr ils mettaient en application. Donc on va retrouver dans l'apprentissage du Coran, c'est-à-dire les sens, donc c'est quoi? C'est les ahkam shar'iyya, donc c'est les règles religieuses qui vont être retirées de ces versets, c'est aussi al-fawa'id, wal-hikam, les sagesses qu'on retrouve dans ces versets et aussi les bénéfices qu'on va retrouver dans ces versets. Et aussi des fois ce qu'on appelle ilm al-tanasub. Hein, la science de quoi? Du lien qui a tel verset avec tel verset, ou telle sourate avec telle sourate. Souvent il y a des sourates, peut-être on ne fait pas attention, mais qui sont le tafsir de la sourate qui était avant. C'est une sourate qui est là, et il y a le tafsir des fois dans la sourate qui était avant. Non. Donc c'est un insoub. Justement, donc, par rapport à cela, revenir par rapport au livre de Cheikh Abd al-Malik, hein, justement sur Min Kulli Surah Fa'ida. Celui qui revient au livre de Cheikh Abd al-Malik, Min Kulli Surah Fa'ida, il verra, il comprendra bien justement par rapport au ilm tanasub. Donc, qui est surtout retiré de paroles de Ibn Qayyim et Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhim. Donc, revenir justement à ses sens, et ça, c'est, donc justement, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein? Le comprendre, c'est ce qu'il y a de mieux. Il vaut mieux comprendre le Coran entièrement, par exemple, que plutôt l'apprendre par cœur. Donc, c'est déjà mieux. Il vaut mieux. Parce qu'il y a des gens qui connaissent par cœur le Coran, là, qui ne comprennent rien. Donc, ça ne leur sert à rien. Tandis qu'il y a des gens, qui n'auront pas le hifz tam, ou bien ils auront appris une partie, mais peut-être ça se trouve qu'ils auront compris le Coran par cœur dans le sens par rapport aux compréhensions. Ils vont comprendre les versets. Donc celui-là, il est mieux parce qu'au moins, il comprend, donc il va profiter de l'application de ce qu'il va faire, contrairement à l'autre. Donc c'est la meilleure des deux parties, comme il dit ici, Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi. Et aussi, donc, par rapport au toujours là, donc. Donc il dit aussi wal ma'na et wal marsoud. Wal ma'na, donc le ma'na c'est wal marsoud. Donc le ma'na, le sens, c'est ça qui est demandé. C'est ça qui est demandé. Wal lafd wasilatun ilayhi. Et le lafd, donc le fait de le prononcer par cœur, la prononciation, c'est un moyen, c'est un but d'arriver à cette compréhension. Tu l'apprends parce que tu as besoin de l'apprendre pour pouvoir le comprendre. Hein? Tu vois quoi, tu as besoin de l'apprendre, après tu vas le comprendre. Donc ça, c'est un moyen d'arriver. Mais le but réel, c'est la compréhension de ces choses-là, afin de mettre bien sûr en application derrière. Donc, c'est apprendre le sens et l'enseigner. Donc, c'est justement apprendre le but. Hein, l'enseigner, c'est justement apprendre le but, c'est-à-dire de cela. Et le but, c'est justement la compréhension. Donc, on voit qu'on retrouve, il y a un lien justement entre ce qu'il dit, Raya ou Al-Wasa'il. Donc, le but, il faut, bien sûr, il faut une wasila. Donc tout à l'heure, je pense que j'ai dit apprendre 10 sourates. Si c'est le compagnon, c'est apprendre 10 versets. Non, c'est pas apprendre 10 sourates. C'est apprendre 10 versets. Ça. Quarante-cinquième point. Talabul ilm hatta al-mamat. L'apprentissage de la religion ou la recherche de la religion jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Fayaqulu sallallahu alayhi wa sallam yani. من همان لا يشبعان من هوم في العلم لا يشبع منه ومن هوم في الدنيا لا يشبع منها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نهمة في العلم وعدم الشبع منه لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين، وهذا لا يزال دب المؤمنين حتى دخوله الجنة. ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم إلى متى تطلب العلم يقول فيقول إلى الممات. قال نعيم بن حماد: سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول: قد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث، فقالوا له: إلى متى تسمع؟ قال: إلى الممات. وقال الحسن بن منصور جصاص: قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه: إلى متى يكتب رجل الحديث؟ قال: إلى الموت. وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: كنت أصوغ مع أبي ببغداد، فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يديه، فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال: يا أبا عبد الله، ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ قال: إلى الموت. وقال عبد الله بن بشير بن بشر: تلقاني أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة في يدي، ولم يفارقني القلم والمحبرة. وقال الحميد بن محمد بن يزيد البصري: جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن حديث، فقلت له: ما أشد حرصك على الحديث؟ قال: أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لبعض العلماء: إلى متى يحسن المرء أن يعلم أو يتعلم أن يتعلم؟ قال: ما حسنت به الحياة. وسئل الحسن عن رجل له 80 سنة: أيحسن أن يطلب العلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش. Donc là, c'est bien sûr, on retrouve un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup de paroles de salaf par rapport à l'apprentissage de la religion jusqu'à la mort. Donc, deux catégories de personnes, hein, deux demandeurs qui n'ont jamais faim, ne seront jamais rassasiés. Donc, celui qui demande la science, hein, de celui qui mange, hein, celui qui prend la science et qui ne s'arrête pas. Là, il ne sera jamais rassasié. Et celui qui court après Dunya et aussi qui ne sera jamais rassasié. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que, c'est-à-dire que là il y a deux catégories de personnes bien sûr qui sont contraires. Que celui qui recherche cette science et n'est jamais rassasié de cette science. Pourquoi ? Parce que le fait de ne jamais être rassasié de la science, ça fait partie des choses qui sont, hein, donc qui sont obligatoirement liées avec la foi. Et ça fait partie justement des caractéristiques des croyants. C'est quelque chose qui est obligatoirement lié avec la foi. Et cela sera bien sûr donc la façon de faire, hein, donc ça c'est le modèle des croyants jusqu'à leur entrée au paradis bi'idhnillah. C'est pour ça que les gens de l'islam, donc les imams de l'islam, les grands savants de l'islam, lorsqu'on dit à l'un d'entre eux: jusqu'à quand tu vas rechercher la religion, rechercher la science, il dit: jusqu'à la mort. Et on dit à Nu'aym ibn Hamad: j'ai entendu Abdullah ibn Mubarak, radiallahu anhu, donc regardez comment ils les appellent, pourtant ce n'est pas des compagnons, ils disent radiallahu anhu. Donc on peut dire ça pour quelqu'un qui est mort, même si il n'est pas quelqu'un d'important, et qui est mort, on peut dire radiallahu anhu, parce que du fait que, Inch'Allah, Allah bien sûr a agréé d'eux. Donc il lui dit, alors que certaines personnes, c'est-à-dire le dénigrer, ou bien voulaient le critiquer, le fait que il apprenait beaucoup le hadith, le fait qu'il recherchait beaucoup le hadith, ils lui ont dit: jusqu'à quand tu vas écouter? Jusqu'à quand tu vas écouter? Il a dit: jusqu'à la mort. La même chose pour le Hassan ibn Mansour, le Jassas. Donc il dit: j'ai entendu, donc j'ai dit à l'imam Ahmed ibn Hanbal: jusqu'à quand tu vas écrire le hadith? Jusqu'à quand tu écriras le hadith? Il a dit: jusqu'à la mort. Et la même chose pour Abdullah ibn Muhammad al-Barawi, qui dit que j'ai entendu Ahmed, donc l'imam Ahmed, dire: certes, je rechercherai la science jusqu'à ce que j'entre dans ma tombe. Jusqu'à ce que j'entre dans la tombe. Et la même chose aussi pour Mohammed ibn Ismail al-Sahir, qui dit: donc, j'étais avec mon père, donc il marchait avec son père, à Bagdad, et Ahmed ibn Hanbal passe à côté de nous, il marchait vite, hein, Yadou. C'est-à-dire, il empressait le pas. Hein. Et il avait ses chaussures dans ses mains. Enfin, sûrement, c'était peut-être. Donc, afin de pouvoir peut-être marcher encore plus vite. Donc, il avait retiré, imaginez-vous. Nous, ça serait peut-être maintenant les claquettes. On les retire si on arrive, si on voudrait. Il avait ses chaussures dans ses mains. Hein. Donc, son père a pris. Hein, donc, son père a pris, c'est-à-dire le père de Mohammed ibn Ismail, a relevé son habit. Donc, il a pris donc, les bouts de ses habits, son thobe, hein, son habit, afin peut-être sûrement aussi, afin de le rattraper, afin de marcher plus vite. Il lui a dit: Oh, Abu Abdillah, n'as-tu pas honte? Jusque quand tu vas t'empresser vers cela, hein, dans le fait que l'imam Ahmed partait donc vers ses assises de science, sûrement pour le fait de donner donc des cours ou quoi que ce soit, et il s'empressait, il lui a dit jusqu'à la mort. La même chose pour Abdullah ibn Mesh, hein, Talqani, il dit: j'espère que lorsque Allah va me décréter, c'est-à-dire ma mort, lorsque Allah va me prendre, hein, j'aurai donc bien sûr le stylo, hein, c'est-à-dire j'aurai le stylo, hein, donc ou bien la plume ou bien le crayon, c'est-à-dire dans mes mains, et j'espère que ce crayon ne me séparera pas, je ne serai pas séparé c'est-à-dire de ce crayon ou de ce stylo jusqu'à la mort. Donc il voyait qu'il écrivait donc jusqu'à la mort. Et aussi donc ils ont dit aussi à Ibn Bastat, le Hafez, donc s'il était Hafez, on parlait de quelqu'un qui était Hafez qui apprenait quelques centaines de milliers de hadiths, hein, voire plus. C'était eux qui étaient Hafez parce qu'il apprenait donc la majorité de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a dit par rapport au hadith, donc Ibn Bastat, le Hafez, est venu lui poser une question sur le hadith et il lui a dit: Donc, oh, hein, que ton assiduité ou bien que ton vouloir est fort. Il a dit vraiment, ton vouloir il est fort dans le hadith, le fait de vouloir apprendre le hadith. Et il dit: Comment voudrais-je pas, comment je ne n'aimerais pas être dans le train, dans le qitar, donc on voit qu'il utilisait le mot train, hein, c'est-à-dire dans le train de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la continuité en fin de compte, le fait d'être parmi ceux qui font comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on a dit aussi à certains savants: jusqu'à quand est-il bien pour une personne d'apprendre? Ils ont répondu jusqu'à ce que sa vie soit bien. Tant que sa vie existe, c'est-à-dire tant qu'il soit vivant. Tant que la personne soit vivante, il est bien pour lui d'apprendre la science. Et on a posé la question à Hassan, à un homme qui avait 80 ans: est-ce qu'il est bien pour lui d'apprendre la science? Il lui a dit: il est bien pour lui, non. Donc il lui a répondu: tant qu'il est bien pour lui de vivre. C'est-à-dire tant que la personne vive, bien sûr, elle apprend la science. Et le wajh as-sadis wal-arba'un, 46e point, al-hikmatu hiya al-ilm. La sagesse, c'est la science. La sagesse, c'est la science. Donc, Ibn Abi Shayba rapporte donc de Abu Barda. Donc, il dit que Abu Barda yani, disait: Kana yuqal al-hikmatu dallatul mu'min, ya'khudhuha idha wajadaha. والحكمة هي العلم فإذا فقده المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفسية من نفائسه فإذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانها وكذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائما في طلبها وجدانها وتفتيش يعني عليها وهذا من أحسن الأمثلة فإن قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب ضالة لها. Comment on dit en français ضالة؟ ضالة, comment on dit en français؟ Non, ça c'est pas par rapport à ça. ضالة. Donc c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça là. Donc ce qui est retrouvé là. Il n'y a pas un mot. Hein. Voilà. Donc, il disait donc à Abu Borda que la sagesse, c'est donc la chose qui est retrouvée chez le croyant. Et il apprend dès qu'il la retrouve. Imaginez-vous une chose perdue. Une chose perdue, on en fait attention, on recherche après. On en a besoin. Hein, on n'est pas à l'aise. Une fois qu'on l'a retrouvée, qu'est-ce qui se passe? On est content. Donc c'est la même chose pour la sagesse. Donc la sagesse, c'est quoi? C'est la science. Donc le croyant, lorsqu'il perd cette science-là, est considéré hein, comme, donc, est comparable à celui qui a perdu donc, quelque chose. Donc il a perdu, en fait, quelque chose qui est dans son cœur, qui est dans son est, c'est-à-dire dans son fort intérieur. Et lorsqu'il retrouve cette chose-là, son cœur s'apaise. Hein, il va quoi? Il va s'apaiser. Il va être à l'aise. Et bien sûr, il va être heureux aussi. le fait, il va être heureux parce qu'il a retrouvé. Et c'est la même chose pour le croyant. Lorsqu'il retrouve ce qu'il a perdu, donc c'est-à-dire cette chose qui fait partie de son cœur et de son âme aussi, donc pourquoi? Parce qu'il en a tout le temps besoin. Son cœur et son âme sont tout le temps en demande perpétuelle, hein, par rapport à cela. Donc, il est tout le temps en recherche. C'est pour ça qu'on dit talab, l'ilm. C'est une recherche de la religion, de la science, tout le temps. Il y a teftish, il y a une fouille perpétuelle. Et donc Ibn Qayyim dit par rapport à la parole de Abu Borda, il dit que c'est parmi les meilleurs exemples, c'est parmi les exemples les plus beaux, hein, car le cœur du croyant recherche la science là où il le trouve. Donc, et bien sûr, il va rechercher, donc, en plus cette recherche, elle est encore plus forte et plus grande et plus illustre que quoi, que la personne qui recherche un objet qu'il a perdu. Donc c'est encore plus fort en vérité. الواجه السابع والأربعون العلم من علامات الإيمان. La science est donc fait partie des signes de la foi. La science fait partie des signes de la foi. Et dit Tirmidhi, rahmallah, حدثنا أبو كريب حدثنا خلاف ابن أيوب عن عوف donc jusqu'à أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن السمت وفقه في الدين. الحديث donc dit sallallahu alayhi wa sallam donc deux choses ou hein, deux en vérité deux vertus qui ne se rassemblent pas qui ne peuvent pas être retrouvées dans, hein, et dans le cœur, c'est-à-dire dans un hypocrite. Il y a deux vertus qui ne peuvent pas être possédées chez un hypocrite. C'est donc le fait de bien écouter, le fait de bien, en fin de compte, se taire, hein, le fait d'avoir justement une certaine quiétude, hein, et aussi la compréhension dans la religion. Le mounafiq, il ne peut pas avoir ça. Donc, ce sont deux vertus. وهذه شهادة بأن من اجتمع فيه حسن السمت والفقه في الدين فهو مؤمن. Et ça, c'est une shahada, donc c'est une attestation de la part du prophète Hassan, que celui qui a en lui donc ce bon comportement, simt, c'est en vérité un comportement qui est de quiétude comme ça, donc c'est ce bon comportement, et la compréhension dans la religion, donc il est bien sûr croyant. وَأَحْرَى بِهَدَ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ حَقًا فَإِنَّ حُسَى السَّمْتِ وَالْفِقْهَ فِي الدِّينِ مِنْ أَخَصِّ عَلَامَاتِ الْإِيمَانِ وَلَنْ يَجْتَمَعَ وَلَنْ يَجْمَعَهَا اللَّهِ يَجْمَعُهُمَا يَنْ اللَّهِ في منافق فإن النفاق ينافيها وينفيانه car donc on voit que par rapport à ce hadith, c'est que ce hadith bien sûr n'est que véridique, hein, par rapport donc ce hadith n'est que véridique car le fait d'avoir justement ce bon comportement et cette compréhension dans la religion, c'est parmi justement les signes les plus distinctifs, hein, les plus précis, hein, vraiment les plus distinctifs, je sais quoi, de la foi. Et Allah ne peut pas les rassembler dans, c'est-à-dire dans quoi, dans un hypocrite. Car l'hypocrisie rejette cela, va rejeter la bonne compréhension de la religion et va rejeter aussi donc ce bon comportement. Et c'est contraire, l'hypocrisie est contraire à cela. Donc on va arrêter là, inshallah. Barakallahu fikoum. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.